السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. On continue avec le tafsir de la sourate al-Fatiha. Nous sommes arrivés à Hidina Sirata al-Mustaqim. Donc ici Hidina, c'est le Sirata al-Jama'a. فمن الأدب في الدعاء سؤال الله تعالى لجميع المسلمين. Donc nous sommes arrivés à la parole d'Allah Azza wa Jal. Donc dans la traduction relative, guide-nous vers le droit chemin. Et guide-nous ici, donc ça a été prononcé au pluriel. On voit ici donc la mention du pluriel. Et parmi les adabs et les bienséances dans l'invocation, c'est de demander à Allah Azza wa Jal donc pour tous les musulmans. Pour donc tous les musulmans. Et celui qui demande donc pour les musulmans et pour les musulmans, les croyants et les croyantes, parmi les morts et parmi les vivants, il sera récompensé pour chaque musulman envers lequel il a demandé. Et l'hidayatan, hidayatul irshad, wa huwa al-ilmun nafi', wa hidayatul tawfiq, wa huwa al-amal salih. Il y a deux types de guidés. Donc, hidayatul irshad, donc le fait de montrer, la guider lorsqu'on montre la voie droite. Et cette guidée, on l'appelle aussi donc la science profitable. Al-ilm an-nafi', la science profitable. Voici donc le hidayatul irshad. Et hidayatul tawfiq, donc c'est al-amal salih. Donc la guidée de la réussite, en fin de compte, avoir reçu le tawfiq de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour œuvrer, pour faire donc de bonnes œuvres. الصراط معناه الطريق لا يعوجج فيه وهو الطريق واحد والطرق متعددة مختلفة. الصراط donc la voie, c'est donc le sirat, c'est une voie, c'est un chemin, et ce chemin n'est pas tordu, n'est pas tortueux, il est droit, ni tortueux ni tordu. Et c'est une seule voie, mais ce n'est pas donc plusieurs voies qui sont donc différentes ou qui sont en opposition avec ce qui nous est demandé dans l'islam. Et mustaqim ici justement donc c'est la yujash fihi. Donc le mustaqim droit, c'est la voie donc qui n'est pas tordue, qui n'est pas tortueuse. Wa huwa ash-shari'a. Donc c'est mustaqim qui veut dire ici donc ash-shari'a, la législation. La législation. Wa min al-fawa'id لهذه الآية سي لجوء الإنسان إلى الله عز وجل بعد استعانته على العبادة أن يهديه صراط المستقيم. Donc parmi les bénéfices de ce verset, c'est que la personne donc se protège auprès d'Allah عز وجل et va vers Allah عز وجل après lui avoir demandé de l'aide afin qu'il l'adore. Donc il va vers Allah Azza wa Jal afin qu'il le guide vers la voie droite. Il a auparavant donc dit, donc il a dit وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ. Et après avoir donc demandé cette aide pour qu'il puisse adorer Allah Azza wa Jal, il invoque Allah Azza wa Jal, car c'est une dua, c'est une invocation, et c'est même l'invocation la plus importante. C'est pour ça qu'elle est mentionnée dans le Fatiha. Donc c'est أَشْرَفْ الْمَطَالِبُ. C'est en vérité la demande la plus noble, de demander la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui a reçu la guidée d'Allah azza wa jalla, donc il a tout reçu. Et ici, donc il demande à ce que Allah azza wa jalla le guide dans la voie droite. Dans la voie droite, ou vers la voie droite. لأنه لابد في العبادة من إخلاص. Car il est obligatoire que l'adoration soit accompagnée de sincérité. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قُلُهُ تَعَالَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ. Donc l'adoration doit être accompagnée de sincérité. La sincérité avant de l'adorer subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons. ومن استعانة لتقوى بها على العبادة. Et de demander de l'aide de la part d'Allah Azza wa Jal afin de se renforcer pour œuvrer, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Et cela est prouvé et mentionné dans la parole d'Allah Azza wa Jal, et c'est toi seul que, et c'est toi, à toi que nous demandons de l'aide. وَمِنْ اتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Et il faut aussi pour cela, donc avec cette adoration sincère et aidée par Allah Azza wa Jal, il faut suivre la législation. اِتِّبَاعِ الشَّرِيعَةِ. Et cela est mentionné et prouvé par اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. Donc voyez, si on a besoin de sincérité, besoin de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal, et aussi besoin de suivre ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc nous a enseigné. لأن الصراط المستقيم هو الشريعة التي جاء بها رسول صلى الله عليه وسلم. Donc الصراط المستقيم, c'est la législation avec laquelle est venu le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم ينقسم إلى قسمين, مستقيم ومعوج. Donc la voie est composée de deux. Il y a deux types de voies, deux catégories de voies. Celle qui est droite et celle qui est tordue, tortueuse. فما كان موفقا للحق فهو مستقيم. كما قال تعالى وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه وما كان مخالفا له فهو معوج. Si cette voie donc elle est موفقا للحق, si cette voie donc elle est en conformité avec la vérité, elle est donc droite. Et comme l'a dit Allah Azza wa Jal, voici donc ma voie droite, suivez-la. Donc suivez cette voie. Et si elle est en opposition avec cette voie, donc elle est donc tortueuse. Elle est donc tortueuse. Qawlu ta'ala, siratal ladina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. Amin. C'est nos habitudes de dire donc amin à la fin, même si s'il n'y a pas amin. Donc la voie de ceux dont tu as comblé de bienfaits, donc pas celle de ceux qui ont encouru ta colère, et ni celle des égarés. Hadi al-aya tubayyinu allati qablaha wa tufassiruha. Donc en vérité, ce verset va montrer clairement et va expliquer le verset qui est venu auparavant. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Donc quelle est la voie droite, ou qui est dans cette voie droite? Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a montré. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah Azza wa Jalla de nous montrer comment on peut accéder à cette voie droite. Donc c'est qui? C'est walladina an'ama Allah alayhim hum al-mudhkurun fi qawli ta'ala wa man yuti' Allah wa rasula fa ulaika ma'a alladina an'ama Allah alayhim min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Celui qui obéit à Allah et à l'envoyé, ce sont eux dont Allah a comblé de bienfaits. Parmi les envoyés, les véridiques, les martyrs, les pieux, et quel bon accompagnement que cela. Quel bon accompagnement que cela. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala a montré, donc ce soit an-nabiyyin, les envoyés, siddiqin, donc les personnes véridiques, les shuhada, les martyrs et les personnes pieuses. Les personnes pieuses. Naam. Al-hidayah, c'est une ni'ma. Hein? On voit donc ici que l'hidayah, la guidée, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Abdallah wa-Zayr, ni'ma. Comme aussi, donc l'égarement. Et quoi? Le contraire de la grâce. C'est en vérité, non, c'est le contraire de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. غير المغضوب عليهم إنهم كل من علم بالحق ولم يعمل به. Donc, non pas ceux qui ont encouru ta colère. Qui sont-ils? Ce sont tous ceux qui connaissent la vérité mais ne mettent pas en pratique. Voilà, dans l'île, et ni les égarés, ce sont aussi tous ceux donc, qui œuvrent sans vérité par ignorance. Donc ce sont tous ceux qui œuvrent. Donc كل من عمل بغير الحق جاهلا به. Ils n'œuvrent pas dans la vérité car ils sont ignorants. Ils œuvrent, mais pas dans la vérité. Ils n'ont pas été conformes à la vérité à cause de leur ignorance de cette vérité. Et parmi les al-fawa'id, donc les bénéfices, c'est ja'a tafsil ba'd al-ijmal hatta tatashawwaq yani an-nafs wa tasta'id lil-qabul al-khabar. Donc ici, tafsil, l'explication est venue après le général, c'est général, jusqu'à la fin du verset, c'est un tafsil, c'est une explication. C'est détaillé. Afin que la personne ait l'envie forte et le désir. Elle est attirée par le fait de vouloir connaître quels sont ces détails. Le fait de venir par des détails et après par. Donc, le fait d'expliquer la chose de façon générale et après de la détailler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait. Lorsqu'il mentionne des fois des choses, afin d'attirer, donc il prête attention et après il explique la chose. Donc ça c'est une façon de bien expliquer en vérité les choses. Et nefs, donc le fort intérieur, est quoi? Est prêt à accepter ce qu'il va entendre. Il sera prêt à accepter ce qu'il va entendre. وفي بيان أن الذين أنعمت عليهم يعني على صراط مستقيم. Il y a aussi un bayan, donc ici cela est montré clairement que ceux dont Allah Azza wa Jalla a comblé de bienfaits sont dans la voie droite. صراط الذين أنعمت عليهم. Donc la voie droite, celui qui suit la voie droite, fait partie de ceux dont Allah Azza wa Jalla a bien fait, a donc comblé de ses bienfaits. ومنها كذلك إسناد النعمة إسناد النعمة إلى الله عز وجل وحده في هداية الذين أنعم عليهم لأنها فضل محض لله عز وجل. Il y a aussi donc le fait de dire que et de reconnaître que ces bienfaits proviennent d'Allah عز وجل seul dans cette guidée. Donc la guidée qui est le bienfait, elle ne provient que de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il les a comblés de ces bienfaits. Donc c'est un bienfait, une grâce qui est exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْهَا انْقِسَمُ النَّاسِ إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ. Et aussi, les gens sont au nombre de trois. Les gens sont au nombre de trois. قِسْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Une catégorie ou bien une partie dont Allah Azza wa Jalla a comblé de bienfaits. وَقِسْمٌ مِنْهَا وَقِسْمٌ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ. Une catégorie qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal, wa qismun darlun, et une catégorie qui est donc fait partie donc des égarés. Ce sont les égarés. Et asbab al-khuruj an sirat al-mustaqim al-jahl wa al-inad. Et les catégories, ici les causes et les raisons pour lesquelles les gens sont sortis de la voie droite et se sont déviés de la voie droite, ce sont l'ignorance et le fait de renier, le fait de se détourner. L'inad, donc le fait de repousser cela, de ne pas reconnaître. On renie ce qui a été donc cela. Ça, c'est les deux grandes donc causes de l'ignorance. Wa minha kadhalik, parmi les bénéfices, annahu yuqaddimu al-ashad fal-ashad, l'an al-mardoubin alayhim ashad mukhalafatan lil-haqqi min al-dallin, l'an al-mukhalifa an-ilm yas'ubu rujou'uhu bi-khilaf al-mukhalif an-jahl. Il y a aussi ici, Allah subhanahu wa ta'ala a débuté, a commencé par Rayl Mardoubi alayhim, avant de dire Walad Dallin. Donc il a commencé par ceux qui encourent le châtiment le plus fort. Donc le châtiment le plus important. Car ceux qui encourent la colère d'Allah Azza wa Jal ont plus été en opposition et ont plus été déviés de la vérité par rapport aux égarés. Car celui qui s'égare avec science, c'est difficile pour lui de revenir. Contrairement à celui qui s'égare à cause de l'ignorance. Des fois, lorsqu'il connaît la vérité, il revient. Puisque lui, il a connu déjà la vérité. Il est déjà arrivé à cette étape de connaître la vérité. Alors, quand est-ce qu'il revient? Vous voyez la comparaison ici, donc entre les deux. La comparaison, donc, entre les deux. Pour ce qui est de Surat al-Fatiha, on a terminé. Et je voulais donc, moi ici, bien sûr, donc revenir à ce qu'on a dit auparavant et Inch'Allah donc poser quelques questions. Donc poser ici donc quelques questions par rapport à cela. Donc on va être entre guillemets donc interactif. Donc de qui provient le livre? C'est le livre qu'on est en train de faire, Donc qui le provient-il? Et donc je pose la question, Inch'Allah, il y en a qui. Donc je vais désigner Inch'Allah celui qui répond. Cheikh Nubaz, Rahmoullah, Naam. Et quel est l'intitulé du livre? Donc, pour ceux qui étaient là dès le début, le titre du livre, Ahmed? Donc les leçons importantes. Voilà. Pour l'ensemble de la communauté. Voilà. Leçon importante. Pour l'ensemble de la communauté musulmane. Barakallahu fik. Donc c'est toujours, donc on a dit que Cheikh Nubaz, Rahmatullah Ali, il a eu de nombreuses fonctions. Parmi ses fonctions, la vie de Cheikh Nubaz, tu connais un petit peu, qu'est-ce qu'il a fait? Non. Donc il a été mufti d'Arabie Saoudite. Barakallahu fik. Kazalik. Donc on a parlé de l'ouvrage. Ça, on a dit que dans l'ouvrage, comprenez donc. Qu'est-ce qui comprend l'ouvrage, le livre? On retrouvera dans le livre. Par exemple, les conditions de la prière. Non. Donc, c'est parmi les choses. Quoi encore? Le tawhid. Le tawhid, on fera pas d'unicité. Quoi encore? On va très faire maintenant, par exemple, tout simplement. Donc, on a par exemple Fatiha, les petites sourates, Naam, Barakulofik. Donc, après, on est entré dans les Cheikh Nubaz. Donc, Rahmanullah, il a mentionné comment donc on doit apprendre les sourates. Qu'est-ce qu'il a dit? Donc, de façon générale, qu'est-ce qu'il dit? Il nous demande de quoi? C'était pas loin. Il nous demande de. Cheikh Nubaz, Rahmanullah, lorsqu'il nous demande d'apprendre les sourates, il nous demande. De faire comment? C'est-à-dire, il nous a mentionné des étapes. Au début, on a parlé d'étapes pour savoir comment on va apprendre. Dans la lecture du Coran, dans la lecture des versets de Surat al-Fatiha et les petites surates, il nous a mentionné. Tu te souviens? T'as compris le sens de ma question? Non. On a vu qu'au début, il y avait des méthodologies pour apprendre. Pour savoir, il a parlé de compréhension, ça. Et avant la compréhension, il a parlé de. Non, c'était pas là, c'était au début. C'était le début. Qui était là? C'était pas là non plus. Non. Mais maintenant, encore une fois, il nous a demandé de quoi? Non, de réciter. Donne-moi toutes les étapes si tu peux. Réciter, corriger la correction, ça te supérer. Après, d'appliquer les règles, de connaître après aussi les. Le sens. L'ahkam, voilà, les règles, les gestes, tout ça. En gros, c'est ça. Barakallahu fik, Mohamed. Donc, ça, c'est par rapport à ça. Et après, on a mentionné, donc, ici, comme on a dit, donc, il a mentionné que Al-Fatiha était importante. Ça. Et pourquoi elle est appelée Al-Fatiha? Parce que c'est la commencement du Coran. Parce que c'est l'ouverture, le prologue, c'est la première sourate qui est dite, en fait. Et c'est la première sourate qui est descendue complètement. Et on retrouve quoi dans sourate Al-Fatiha? À l'intérieur de la sourate Al-Fatiha, on retrouve quoi? Ils ont mentionné dans quelques points. Il y a la vocation, Naam, il y a quoi aussi? Parmi les points importants, Naam. Ça, c'est par rapport au premier verset, mais il y a aussi dans sourate Al-Fatiha, on l'a vu au début. Quand les ulama ont dit qu'elle comprend et comporte, donc. Donc le tawhid, quoi, de façon générale, hein, l'unicité, il y a quoi encore? On parle de règles religieuses, des règles, de récompenses, et donc les catégories des personnes face à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'était les quatre points qui ont été cités. Et est-ce qu'on peut prier? Donc réciter maintenant, donc effectuer une prière sans qu'on récite surat al-Fatiha? Pourquoi? Pourquoi? Non, mais elle n'est pas acceptée, pourquoi? Parce que c'est un pilier, la récitation de Surat al-Fatiha, Naam, c'est un pilier. D'accord? Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on commence par quoi ici donc? Par le fait de mentionner le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est que pour réciter le Coran, ben c'est aussi pour d'autres choses. C'est aussi pour autre chose, Naam. Et qu'est-ce qu'on recherche? Lorsqu'on dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quels sont les bénéfices de cela? De rechercher donc la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pourquoi on a commencé par Bismillah, pourquoi le nom d'Allah est commencé avant ce qui vient après. Au nom d'Allah, je fais, au nom d'Allah, je commence. Pourquoi on commence par au nom d'Allah? On l'a vu, Yufidu al-Hasr. Ça, Yufidu al-Hasr. Donc ça veut dire que je ne fais ça que pour Allah Azza wa Jalla, pas pour autre que lui. C'est pour ça qu'on commence par cela. Et on a dit que Allah, donc c'était, lorsqu'on a mentionné le nom d'Allah, on a dit qu'Allah c'est quoi? Le nom? Le nom de base. Le nom de base, naam. Le nom de base, c'est-à-dire par rapport au nom. Donc c'est le nom de base. Et tous les autres noms reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Qui connaît le dalil par rapport à cela? Il y a un verset. Continue. Fad'uhu biha. Et Allah appartient au plus bon nom. Et invoquez-le donc avec. Et Ar-Rahman. Ar-Rahman, le miséricordieux. On dit que c'était quoi? Celui dont la miséricorde englobe donc toute chose, d'accord, toute chose. Et Ar-Rahim, c'est donc elle touche et elle va donc envelopper qui, donc qui Allah Azza wa Jalla veut parmi ses serviteurs, d'accord. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'on a dit, que s'ils sont réunis ensemble, ils sont, j'ai expliqué, si ils sont réunis, non, s'ils sont réunis ensemble, c'est quoi ici? Donc si le fait que s'ils sont réunis dans le même contexte, dans la même phrase par exemple, donc c'est deux choses différentes. Mais s'ils sont séparés, ça veut dire la même chose. Donc ça veut dire que c'est non seulement le sifa et aussi le fi'l. Le sifa c'est pour Ar-Rahman et le fi'l c'est pour Ar-Rahim. Parce que Ar-Rahim c'est un acte. Et Ar-Rahman c'est la sifa. Mais s'ils sont mentionnés séparément, donc ça veut dire l'attribut d'Allah Azza wa Jal, mais aussi ce qu'il fait. Et si, ça c'est lorsqu'ils sont séparés, que ce soit Ar-Rahman ou bien Ar-Rahim. Parce que tu peux invoquer Allah Azza wa Jal par les deux noms, lorsque tu veux demander quelque chose à Allah. Pourtant, ça serait un fi'al. Tu espères d'Allah Azza wa Jal, donc un fi'al. Qu'il t'enveloppe de sa miséricorde. Qu'il te touche et te compte par sa miséricorde. Tandis que si, donc lorsqu'ils sont séparés, mais s'ils sont mentionnés ensemble, on les sépare. On comprend cela. Donc on comprend que la miséricorde, c'est Ar-Rahman, elle va englober toute chose. Donc sa miséricorde englobe toute chose. Et Ar-Rahim, c'est un acte qui va donc toucher et qui va envelopper donc des personnes, donc des particulières, parmi ses serviteurs. Et ces noms-là, parmi les noms d'Allah Azza wa Jalla, montrent que quoi? Ils prouvent quoi? Les noms, qu'est-ce qu'ils prouvent les noms? Les noms d'Allah Azza wa Jalla prouvent quoi? On a dit Dalla ala l'entité. Ça là, là. Les noms d'Allah Azzawajal prouvent l'entité. D'accord? Zat, ce qu'on appelle Zat. Et aussi l'attribut de la miséricorde. Et est-ce que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim est un verset de la Sourate al-Fatiha? Qu'est-ce qu'on a dit? Non. Donc c'est quoi? Un verset à part entière, mais qui n'est pas à l'intérieur de Sourate al-Fatiha. Quel est le dalil? Quelle est la prononce cela? Même en français. Hein? Le hadith Qudsi, Naam. Il a partagé donc la Naam. Entre lui-même et son serviteur, on a pris donc la prière en deux. Et il a commencé par quoi? Donc, lorsque mon serviteur dit, il a commencé par Alhamdulillah Rabbil Alamin. Il n'a pas commencé par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ce qui prouve, donc c'est parmi les preuves ici, que ce n'est pas un verset. Donc qui est dans Al-Fatiha, d'accord? Et on sait que Al-Fatiha comprend combien de versets? 7. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On a mentionné Alhamd, la louange. Et la louange voulait dire quoi ici? Le fait d'attribuer quoi, hein? Donc de décrire Allah Azza wa Jalla par, donc le Mahmoud, celui qui est aimé, par quoi, hein? Comme quoi il a les attributs les plus parfait, les plus complets, tout cela avec amour, accompagné d'amour. Donc on aime Allah Azza wa Jalla. Hein? Pourquoi on l'aime Allah Azza wa Jalla? Parce qu'il a des attributs les plus parfaits. On l'honore. J'avais dit ça. Et après, il y avait quoi aussi? Par rapport à à ses caractéristiques, donc à ses attributs, et aussi à ce qu'il a. Ça fait quoi ? Ce qu'il a fait, tout simplement. Le fait qu'il a créé. Ah là là, on a parlé de ça. Le fait qu'il a donné, qu'il donne la vie, il la reprend, il crée, il donne la subsistance. Donc, ce sont des actes. D'accord ? Donc ici, il y a el-zat, il y a el-wasf, il y a el-fi'l. Donc par lui-même, subhanahu wa ta'ala, par son entité, son essence, Allah Azza, donc il est loué par rapport à cela, par rapport à ses attributs, et aussi par rapport, hein, comme on l'a dit, donc el-fi'l. Et parmi les bénéfices du hamd, c'est déjà que quoi ? On a parlé parmi les bénéfices de la louange elle est pour qui ? Pour Allah seul ? Ou bien on peut la partager ? On ne la partage pas. Et qu'est-ce qui avait prouvé cela ? C'était ? Elle est foilam. Les stiralak, ça. On avait dit que toute la louange n'est que pour Allah Azza wa Jal. Donc il n'a pas d'associé en quoi que ce soit. Et aussi dans sa louange. Donc c'est lui qui mérite seul d'être loué, et cela on a dit que c'était dans toutes les facettes, de toutes parts, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque il était touché par un bonheur ou quelque chose, hein, qui lui faisait plaisir, qu'est-ce qu'il disait? Alhamdulillah. Non, lorsque ça lui fait plaisir, bi ni'matihi tatimmu salihat. Lorsque quelque chose lui afflige, il disait quoi? Voilà, alhamdulillah ala kulli hal. Donc vous voyez, deux situations différentes, opposées, et pourtant la louange est toujours là. D'accord ? La louange est toujours mentionnée, alors que ce sont des situations qui sont différentes. Et Elhamd, donc le fait ici, donc ici aussi parmi les bénéfices, donc le fait que on a dit que le mot d'Allah Azzawajal est passé avant, hein ? Donc aussi, Rasulallah, le mot. Donc le nom d'Allah Azzawajal a été mentionné avant Rab, avant donc Al-Ilahiya, avant Rububiya. Pourquoi? Et on a donné deux ici, donc deux tefsirs. Pourquoi? Premièrement parce que non, vas-y. Dis le Mamet. Al-Mushikin à l'origine, il renie quoi? Voilà. Il reniait pas donc le Rububiya, mais il reniait le Riyah. Et ils nous ont dit aussi quoi? Parce que le nom d'Allah c'est quoi? C'est le nom le plus important. Donc c'est pour ça qu'il disait, ça c'est les deux tefsirs qu'on a reconnu, qu'on a mentionné par rapport à ça. Pourquoi le nom d'Allah est mentionné avant le mot Rab? Parce que le nom d'Allah c'est le plus important, et parce que quoi? On vient de le dire, parce que les mouchriquins, ils ont donc renié ici, donc un, voilà, l'Uluhiya. Qui connaît le verset? Adja'ala. الآلهة إلها واحدة إن هذا ها vous avez entendu donc نعم c'est ça donc il a répété donc certes donc a-t-il fait donc des divinités parce que eux ils adoraient plusieurs divinités une seule divinité donc c'est là une chose bien étonnante ils connaissent ils ont jamais vécu comme ça eux le courage de cette époque-là n'ont pas vécu comme ça alors c'était en gros il y avait 360 donc religions différentes 360 idoles différentes. Et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a mis la baraka au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la dawa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car en peu de temps, il a tout fait disparaître. Faire disparaître 360 religions différentes, et c'est vraiment un travail dont on sait que qui peut faire ça. Hein? On sait que la guidée est auprès d'Allah Azza wa Jalla. Mais subhanallah, faut vraiment être accompagné, hein, de quoi? Il faut vraiment qu'Allah soit vraiment avec la personne pour qu'elle puisse réussir à faire ça. Vous voyez un petit peu le travail qu'il y a eu. Et quand on fait la différence, c'est quand on voit comment c'était avant et que pas beaucoup d'années après, il y a eu un changement total. Donc on voit vraiment ce point-là. Ça, c'est parmi aussi les signes de la véracité, de la prophétie du prophète, hein, du Nabi, de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il a réellement été aidé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc on l'a tout à l'heure donc expliqué qu'est-ce que c'était Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc voilà. Et on a dit quoi? Donc Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Juste après Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Parce qu'on a dit Rububiya est basé sur quoi? Sur la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiya, la seigneurie d'Allah azza wa jalla, donc ce qu'il a fait, il a donné la vie, il a reprend, il a créé, il a façonné. tout cela, eh ben c'est bâti à partir de quoi? De l'Amérique, de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Ça là là. Et aussi, donc Malik Yawmiddin. Donc Malik c'était quoi? Ismoun Bessifa, Malik. C'est un nom ou un attribut ici? Attribut, non, vous avez raison, attribut. Et Malik Yawmiddin. Donc Yawmiddin c'est quoi? Le jour de la résurrection. Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection. Mais c'est aussi ici, c'est quoi? Ma'na du din ici, c'est Al-Jaza. La récompense. Et c'est ma'na où c'est Al-Jaza, la récompense. D'accord? Et en ce moment-là, bien sûr, Allah Azza wa Jalla, donc, va récompenser donc, chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Et personne d'autre ne pourra récompenser donc, qui que ce soit. Et là, en ce moment-là, tout le monde saura qu'il est réellement lui, le seul roi, subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla, on a dit quoi aussi? Donc tout le monde va le savoir. Et c'est pour ça qu'Allah, lorsqu'il va appeler les gens, il va dire quoi? Il va leur dire quoi? L'imen Al-Mukliyum. Qui va répondre? Personne. C'est Allah Azza wa Jalla, lui-même. Personne ne va parler, il va répondre. Il est l'Al-Wahid Al-Qahar. Donc le dominateur. Et on a donné l'exemple de celui qui croit qu'il va parler devant Allah et qui va dire: moi je vais donner un dalil devant Allah. Un hajj Allah Azza wa Jalla, c'est qui? Le Qardawi. Donc l'égaré ou pas l'égaré? Non. Ça c'est un des signes de son égarement. Et Cheikh Al-Qardawi, lorsqu'il avait dit ça, c'était par rapport à la qissa, pour ceux qui n'étaient pas là, de Belqais. Hein? Donc il a donné l'exemple que le Belqais, parce qu'il a dit que la femme elle peut gouverner. Lorsque la personne a dit Kra Allah, alors qu'il y a des preuves en cela qui montrent le contraire, il a dit si, il dit j'ai un dalil, l'histoire de Belqais dans le Coran. Donc après il a dit tu n'auras pas de hujja devant Allah Azza wa Jalla, mais la personne a voulu lui faire peur. Hein, pour lui faire peur, le rappeler d'Allah Azza wa Jalla, qu'il va revenir vers Allah Azza wa Jalla. Il a dit Anna Hajjallah Azza wa Jalla Yom al Qiyamah. C'est moi qui va donc donner des preuves auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et je veux dire, c'est toi qui tu as mis ça dans le Coran, il a dit ça. Hein? Et lorsque ça a été mentionné à des mashayikh de Médine, il a dit Illa man azina lahu ar-Rahman wa qala sawab. Sauf celui dont Allah Azza wa Jalla donne la permission de parler. Et il dira quoi? La inna illallah, il dira la vérité. Vous voyez comment que le pseudo savant se permet de dire que Yom al-Qiyamah, il pourra dire à Allah que c'est lui qui a raison et qu'Allah n'a pas raison. Il dit: j'ai une preuve auprès d'Allah. J'ai une preuve auprès d'Allah, il dit. J'ai ça, je veux dire, c'est toi qui as mis ça dans le Coran. Donc, regardez l'aql. Pourquoi? Parce qu'il a délaissé l'adilla pour l'aql. L'shara'iyya, parce que l'aql chez eux, ça passe avant. Al-Qardawi, c'est un aqlani. Et il fait passer avant l'aql. Avant Al-Shar. Donc ça c'est parmi les choses qu'on avait montrées par rapport à ça. Donc parmi les bénéfices de ce verset, que ici on voit quoi? On voit, on parle de quoi ici? Qu'est-ce qui prouve dans ce verset? Qu'est-ce qu'on peut ressortir comme bénéfice de ce verset? C'est bête? Non, vas-y. Donc se rappeler du jour dernier. Donc c'est une preuve que le jour dernier existe. Ici on affirme donc la réalité du jour dernier, Naam. D'accord? Et aussi que la personne, vas-y, ça c'est le deuxième, vas-y, continue. La personne donc va se souvenir de ce jour afin d'œuvrer. Non, barakallahu fik. Car c'est le but pour lequel on a été créé, tout simplement. Barakallahu fik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. On a parlé de ce verset qui est très important. Et on a dit que ce verset c'était. Donc ce verset, il y a quoi dans le verset? On a dit que le serviteur. Là ici, Allah mentionne le serviteur. Et le serviteur, qu'est-ce qu'il dit? La première chose qu'il dit, c'est quoi? Il dit quoi? Iyyaka na'budu. La première chose où. Donc, c'est la première chose où la personne parle, c'est qu'il reconnaît quoi? L'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est en conformité avec le verset qui dit: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et pourtant, le premier verset, c'est ça. Ça parle d'adoration. C'est toi seul. Et on a retrouvé ici quoi encore? On a dit Iyyaka. Ça prouve quoi? Là, c'est toi seul, donc ça prouve. Donc ça prouve l'unicité, ça prouve la sincérité dans l'adoration. Naam. Que nous adorons. Donc la première chose que fait l'homme. Et c'est en plus mentionné, donc comme on l'a dit dans le premier verset, où l'homme parlerait quoi. Et il y a Kanastain. C'est quoi? Donc le Sti'ana. Qu'est-ce qu'on a vu que c'était quoi le Sti'ana? Tawakkul ala Allah, non. C'est le fait de. Donc de passer sa confiance en Allah. Et on a dit c'était quoi? Le quart, le dixième de la religion? La moitié de la religion. Et quelle est l'autre moitié? C'est. Ben, l'autre moitié du verset. C'est quoi? Al-Inab, hein? Donc le quoi? L'adoration. Et on appelait comment l'adoration? Il l'appelait comment? Notre Imam Allah, il l'appelait elle. Al-Inab, hein? Le retour vers Allah Azzajal. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit que la religion est basée, elle est basée sur Al-Inaba wa Tawakkul. D'accord, Iyyaka na'budu, pour ceux qui n'étaient pas là, Iyyaka na'budu, ça veut dire que c'est toi seul que nous adorons. Adorer, c'est retourner vers Allah Azzajal dans l'adoration. Donc faire ce qui est demandé et délaisser ce qui est interdit. Donc on appelle ça Al-Inaba. Et wa Iyyaka nasta'in, c'est Tawakkul. Donc c'est le fait, pourquoi Iyyaka nasta'in? Parce que tu demandes de l'aide à qui? Alors là, donc tu demandes de l'aide à qui? À quelqu'un que tu as confiance, donc tu as confiance ou pas? Donc c'est Tawakkul Allah, placer sa confiance en Allah. C'est pour ça que ces deux choses là elles sont là. Pourquoi? Pour. Et c'est, donc ces deux points les plus, ce sont les points les plus importants. Ici donc ce verset, je vais s'amuser Mia parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Il a dit qu'il a médité sur tous les versets du Coran et il a retrouvé pour rechercher, il recherchait le plus complet. Et il a vu que le plus complet c'était donc ce verset là. Parce qu'il a vu qu'il englobait la religion. Iyyaka na'budu, c'est la moitié de la religion. Iyyaka nasta'in, c'est l'autre moitié de la religion. Donc, bien sûr, après la parole de l'Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, rahimahullah, il a bien sûr mentionné tout cela. Il a donc détaillé et donné énormément de bénéfices par rapport à ça. Donc, on a dit que c'était important. Et Iyyaka na'budu, Cheikh l'Islam. Donc, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il avait mentionné quoi? Cheikh l'Islam, il a mentionné quoi? Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Que celui qui est sain d'eux, quelle maladie? Des maladies du. Non, on avait dit quoi? Des maladies du. Pour Iyyaka na'budu, qu'est-ce qu'il faut? Faut donc dégager de soi-même quoi? Faut repousser de soi. Hein? Le. Non, tout à l'heure on en a mentionné deux choses. Riya, c'est Souma, le fait que de faire pour que les gens voient et le fait de faire pour que les gens entendent. D'accord? Ça c'était donc celui qui est protégé de ça, bi'idhnillah, donc le croyant wahid qui unifie Allah Azzawajal dans son adoration, s'il repousse donc ce riya, donc cette frustration, que ce soit donc par le fait de dire que les gens t'écoutent ou par le fait de dire que les gens te voient, donc il est protégé inshallah, il sera donc sincère dans son adoration. Et celui qui est protégé et qui est saint de quoi? On avait dit donc c'est l'orgueil, voilà. Et le fait aussi d'être imbu de sa personne, donc lui il sera protégé par rapport à Iyyaka nasta'in. Parce que la personne qui pense qu'il n'a pas besoin d'Allah, il se suffit à soi-même. Je me suffis à moi-même. Ça existe. Je connaissais quelqu'un, c'est une vraie histoire, subhanallah, d'étudiant. Donc à l'université, vous savez qu'en général, les universités qui les tiennent chez les musulmans, c'est souvent les frères musulmans. Et dès que quelqu'un connaît un peu l'arabe qui vient du bled, profite, c'est devenu un imam. Dans son pays, c'était pas un imam. Mais dès qu'il est en France, c'est un imam, parce qu'il connaît l'arabe. Il a vu le jeu, il comprenne le jeu. C'est pour ça que cela, il faut toujours s'en méfier, malheureusement. Et il avait dit, donc il se permettait de faire des fêtoirs. Puis c'est un jeune qui était un voisin à moi, qui était un universitaire à l'époque, et donc il avait discuté avec lui sur ça, plusieurs sujets, et qui disait que tel savant dit. Il voulait donc il reniait tous les savants, et puis il disait, je me suffis à moi-même. Alors c'est une parole qui est totalement fausse en vérité, c'est un lexique qui est faux. Tu es obligé de passer par le fait de quoi? De donc tu dois passer ta confiance en Allah Azzawajal. Comment tu vas te suffire? C'est Allah Azzawajal qui te suffit. Mais c'est pas toi qui vas te suffire à toi-même. Vous voyez un petit peu les mots, le danger des mots? C'est un danger, c'est un mot qui est très dangereux. Donc ici, on a dit que par rapport à ça. Et il a dit quoi? Donc Ibn Qayyim rahimahullah, il a dit le secret de. Le secret de hein? La création, et ce que Allah a décrété, du décret, les livres, les législations, la récompense, le châtiment, tout cela revient à quoi? À ces deux paroles, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il l'a dit. D'accord? Et c'est quoi l'ibada? Qui connaît la définition? L'ibada, l'adoration. Un nom, donc global, d'ensemble, en français, qui englobe quoi? Tout ce qu'Allah aime et malgré comme parole, hein, et action. apparente et cachée. Voilà pour l'enfant. Et l'isti'ana, on avait donné l'explication, c'était il y a l'ihtimad ala Allah, le fait donc de placer sa confiance en Allah Azza wa Jal. Pourquoi aussi? Pour s'attirer ce qui sera quoi? Profitable. Et pour se, donc, s'écarter et repousser ce qui sera quoi? Donc nuisible. Tout en ayant confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, Mohamed. Donc pour accueillir, pour justement donc, obtenir cela. D'accord? On a dit aussi, donc maintenant, on a dit Ihdina Sirata Mustaqim. Donc Al-Hidayah, c'est quoi? Il y a deux types de guidés. Donc là, tout le monde peut répondre. Deux types de guidés. Anta. Deux types de guidés. Voilà, Persé va t'offrir. D'accord? Le chef, j'ai donné aussi, on a donné notre. L'Ilm Nafi' et t'offrir, c'est Al-Amal al-Salih, barakallahu fik, c'est ça. Y a-t-il plusieurs voies lorsqu'on parle de Sirat? Y a-t-il plusieurs voies pour arriver à. D'accord. Il y a plusieurs. On peut. Donc, il y a beaucoup de. Lorsqu'on parle des fois de Souboul, c'est les types d'adoration. Tu peux jeûner, tu peux prier, tout ça, qui va te faire monter, qui va t'approcher d'Allah Azza wa Jal. Mais la voie, c'est une seule voie. Il y a un seul tariq. D'accord? Il n'y a qu'une seule voie. Et Allah Azza wa Jal nous a ordonné de suivre cette voie et nous a interdit de quoi? De suivre les voies qui vont nous séparer, qui vont nous dévier de sa voie. D'accord? Et donc, c'est le Hidayah. Et on a parlé aussi, donc, Hidayah Salat Mustaqim. Donc, voici en gros quoi. Et on a dit que Salat, il y avait combien de types de voies? Une véridique et les autres, elles sont? Donc, elles sont fausses. Ou bien l'autre. Parce que là, c'est tout. Quand on dit deuxième, l'autre, c'est tout ce qui englobe tout ce qu'il faut. Salat al-Ladina an'amta alayhim, ghayr al-maghdubi alayhim wa ad-dallin. On a dit tout à l'heure, donc on a parlé. Qui a été gracié ici des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala? Quelles sont les catégories? Mine, pas toujours les mêmes, Malish. Donc, Nabiyin, Siddiqin, Washuhada, Wassalihin. Combien si on a les quatre catégories? Et Allah alam, d'où la personne sur ça, mais il y avait une personne qui en avait dit. Par rapport à ça, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie du Nabiyin, Siddiqin Abu Bakr Siddiq, et Shuhada, donc Omar Othman, hein, donc le Omar Othman et Ali, et Salihin, donc il y en a beaucoup aussi après. Donc est-ce que l'ordre est venu, est-ce que ça a une similitude, est-ce que ça a quelque chose, mais quelqu'un m'avait dit ça. Et, c'est juste comme ça, quoi. C'est juste une bébelle faïda, même si je ne sais pas d'où vient réellement en vérité cette faïda. Donc, Rélin Mardoubi. Donc, non pas ceux qui ont encouru ta colère, qui sont-ils? Non, Mardoubi, ceux qui ont encouru la colère, c'est qui? Yahoud avec, aussi quoi? Tous ceux qui connaissent, mais ne mettent pas en pratique. Et voilà, dans l'île, et les égarés, c'est quoi? Ceux qui pratiquent avec ignorance, par ignorance. Ils pratiquent par ignorance. D'accord. Donc, on a, à Kulhel, donc, des preuves par rapport à cela. On a, et on voit. Donc, donc ici, on a combien de catégories de personnes face au texte, face à la guidée? Trois catégories de personnes face à la guidée. D'accord? Donc, c'était. Parce que moi, je pensais là peut-être faire les autres sourates, mais ça sera peut-être pas le moment. Ça sera plutôt demain, sinon on va pas faire ce qu'il faut. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Ça va permettre donc aux gens d'avoir une petite pause, parce que bien sûr, on va peut-être de commencer un petit peu plus tôt. Pour qu'on termine un peu plus tôt, inshallah, aujourd'hui. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et inshallah, donc demain, c'est un glin. Donc le frère Souleyman, inshallah, le glin, il fera donc le khutbah. Après ça, moi, je commence à 16h. Et après, je pense que c'est ainsi de suite, quoi. 16h.